Auguste Rodin, le Michel-Ange français, par Fang Brentano. Chéret, le célèbre décorateur, disait de Rodin, c'est Rembrandt sculpteur. Du maître d'Amsterdam, Rodin a la couleur, l'amour de la nature, la captivante originalité. Comme Rembrandt, Rodin sait faire une merveille d'un rien, d'un torse, d'une main qui s'entrouvre, d'un pied posé sur le sol. L'artiste prestigieux qui s'est imposé à l'admiration du monde entier, celui qu'on a pu nommer le Michel-Ange du XIXe siècle, naquit à Paris le 18 novembre 1840, rue de l'Arbalète, dans le quartier Mouffetard. Ses grands-parents étaient des rouliers normands. Son père, originaire d'Yvetot, était devenu inspecteur de police. Sa bonne mère était de race lorraine. Gamin, il faisait l'école buissonnière. Il avait horreur du calcul. Mais les arbres et leur verdure, l'architecture et son décor, quel émerveillement! Les feuilles de papier dont l'épicier enveloppait les achats maternels portaient parfois des dessins en gravure. L'enfant s'en emparait comme de trésors précieux et se mettait à les copier. Ce fut sa première initiation. Mais le père ne voulait pas entendre parler de vocation artistique. « Les artistes, disait-il, des fainéants, des propres à rien. » L'enfant était obstiné. Il entra à la petite école, ainsi nommée par opposition à la grande école, l'école des beaux-arts, école de dessin gratuite, rue de l'école de médecine, fondée au XVIIIe siècle par Bachelier, l'excellent paysagiste qui deviendra directeur de la manufacture de Sèvres. Quelle émotion saisit le jeune Rodin quand, pour la première fois à la petite école, il vit de la terre glaise, de la terre à modeler. « Il me semblait que je montais au ciel, dira-t-il plus tard. Je fis des morceaux séparés, des bras, des têtes, des mains. Je faisais cela avec autant de facilité qu'aujourd'hui. » Puis il fréquentait les cours de dessin du Jardin des Plantes, où enseignait l'illustre Barry, le formidable sculpteur des panthères et des lions. Rodin et ses jeunes camarades avaient déniché une manière de sous-sol dont les murs suintaient d'humidité. Les camarades s'en emparèrent avec délices. Les sculpteurs commençaient, ont dans leurs ateliers des selles tournantes sur lesquelles ils posent l'objet de leur travail. La selle tourne au désir de leur activité. Dans les caves du Jardin des Plantes, de pareils mécanismes eussent semblé un luxe inouï. Des pieux fichés en terre, sur lesquels des planches étaient clouées, servaient de selle, et comme elles ne tournaient pas, les jeunes sculpteurs tournaient autour. Dans les amphithéâtres, les camarades allaient prendre des morceaux d'animaux, des pattes de lion. Et nous travaillions comme des enragés. Nous avions des allures de fauves. Et Barry, le grand Barry, venait donner des conseils aux apprentis sculpteurs. C'était un homme très simple, nous conte Rodin. Ses habits râpés lui donnaient l'aspect minable des pauvres répétiteurs des collèges d'alors. Je n'ai jamais connu d'homme aussi triste avec autant de puissance. Il éditait ses œuvres lui-même et les vendait avec beaucoup de difficultés à bas prix. Quel malheur d'avoir vécu dans une époque aussi terrible pour l'homme de génie. Il était si calomnié. Il nous inspirait, ce pauvre grand homme, à nous autres, gamins inconscients, une défiance mêlée de crainte. Quel burin! Quel portrait d'un sculpteur de génie par un autre sculpteur et d'un génie égal! Puis Rodin allait au marché aux chevaux, dessinant de tous côtés ce que j'ai été bousculé et piétiné. Jusqu'à la fin de sa vie, Rodin dira son regret de n'avoir jamais été appelé à faire une statue équestre. Enfin, Rodin se présenta au concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts. Il y fut refusé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Le plus grand sculpteur des temps modernes ne put entrer à l'école des Beaux-Arts en qualité d'élève, et ce fut peut-être son salut. En 1863, le jeune artiste a 23 ans, nous le trouvons travaillant à la décoration du théâtre des Gobelins. Madame Tirel, qui fut sa secrétaire, dans le vivant et précieux volume consacré à l'envers d'une gloire, nous apprend que les deux cariatides de la porte sont des grands artistes. Ce fut à cette époque, en ce quartier des Gobelins, qu'Auguste Rodin rencontra celle qui serait la compagne de sa vie. Gentille Midinette, venue de terre champenoise pour entrer comme confectionneuse chez une couturière du quartier. Elle se nommait Rose. Amour printanier, à la Musset, à la Murger. Musette rencontrait Marcel, mais un Marcel travailleur et homme de génie. union qui durera 54 ans. Un demi-siècle après leur rencontre, Rose disait à Auguste « J'ai conservé le premier sac de bonbons que tu m'as acheté et aussi les 6 verres de bohème. Ce sont mes reliques. » « Ah, fais voir, Rose !» Quand il avait acheté ses 6 verres de bohème, Rodin était pauvre, inconnu. Le voici riche, très riche, et l'artiste du monde le plus célèbre. Comme Rose montait pour aller chercher le sac de bonbons. « Apporte aussi les verres. Nous pouvons boire maintenant dans les verres de bohème. Autrefois, c'était trop beau pour nous. Maintenant, c'est bien. » Quand elle fut sortie, Rodin dit à Marcel Tirel « Comme c'est touchant, n'est-ce pas, cette simplicité, ma pauvre femme !» Quand elle rapporta les verres, Rodin les prit entre ses doigts. Il les regarda avec émotion. « Comme c'est loin » murmurait-il. Puis il prit la tête de sa femme entre ses mains toutes pleines de terre glaise. Il l'embrassa très fort. Du vin du Rhin brilla dans les verres. « À la santé de Philémon et Baucis !» dit Madame Tirel. Rodin éclatait de rire quand un gros chat roux sauta sur ses genoux, se frottant à sa longue barbe. Comme tant de grands artistes, Rodin eut toute sa vie une âme d'enfant. Ce fut sa force et sa faiblesse. Elle empêcha que le train-train et les médiocrités de l'existence n'affadissent son œuvre. Mais elle contribua aussi au désordre, pitoyable trop souvent, de sa vie d'artiste. De sa grâce primitive en sa robuste naïveté, je veux noter le trait suivant. Il est inédit et il ne faudrait pas qu'il fût perdu. C'était vers 1898, à l'époque où la Société des gens de lettres avait demandé au sculpteur une statue de Balzac. On sait l'effarement produit au salon de cette année par l'exposition du modèle en plâtre. L'émotion fut particulièrement vive au sein du Comité des gens de lettres qui se refusa à reconnaître dans l'œuvre exposée l'image du grand écrivain. Jean Écart, président du comité, prit le parti de l'artiste et comme il ne put faire prévaloir son opinion, il donna sa démission. C'est de la bouche même de Jean Écart, auprès duquel j'avais été délégué par le comité pour lui offrir le titre de président d'honneur, que je tiens les détails qui suivent. Le sculpteur s'était demandé comment il pourrait témoigner sa reconnaissance au poète et voici ce qu'il avait trouvé. Il avait des poules. De longs mois durant, Rodin vint chaque semaine chez Écart, un panier au bras, lui apporter les œufs frais pondus par ses poules. Quel joli sujet d'illustration! Auguste Rodin, prochainement grand officier de la Légion d'honneur, un panier de fermier au bras, portant les œufs de la semaine à Jean Écart, futur académicien. Mais revenons à l'œuvre de l'artiste. Il avait été refusé au concours d'entrée à l'École des beaux-arts, et son premier envoi au salon en 1864, un chef-d'œuvre, fut refusé également. Il s'agissait de cette merveille, l'homme au nez cassé. Le modèle qui avait posé était un concierge qu'on nommait Bibi. Rodin dirait dans la suite « Cette tête aurait dû me couvrir de gloire, assurément. » L'atelier de l'artiste était au quartier des Gobelins, rue Lebrun. Un loyer de 120 francs par an, c'était une écurie. Après que le nez cassé eut été refusé au salon, l'âge des reins le fut également. On me le refusa au salon. Ils m'accusaient d'avoir moulé un cadavre, les imbéciles. Rodin avait d'abord appelé sa statue « L'homme s'éveillant à la nature ». C'est une des plus belles choses qui ait jamais été faite. Le modèle en bronze est à présent au Luxembourg. Des modèles en plâtre ou en bronze sont en place d'honneur dans tous les grands musées du monde, refusés au salon. Du moins en 1880, l'âge des reins reparaissait aux Champs-Élysées, flanqué de l'incomparable Saint-Jean-Baptiste Préchamp. Il obtint une médaille de troisième classe. Il eût été plus honorable pour le jury de le refuser encore. Du moins Edmond Turquet, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, commande à l'artiste une porte décorative pour le musée des arts décoratifs. Rodin rêva d'une porte de l'enfer inspirée de Dante. Il en existe des ébauches admirables, mais l'œuvre ne fut jamais exécutée. Ici se place une remarque. Durant sa longue existence, Rodin va multiplier les chefs-d'œuvre, mais il ne progressera pas sur lui-même. L'homme au nez cassé, l'âge des reins, le Saint-Jean-Baptiste sont d'une exécution aussi parfaite d'une conception aussi belle que tout ce qu'il fera de mieux dans la suite. Peut-être même ne parviendra-t-il plus à s'égaler. Nous ne suivrons pas Rodin dans sa longue et féconde carrière. Les débuts en avaient été difficiles. Dans la suite, la voie qu'il parcourra ne sera que trop encombrée d'acclamations et de succès. Il en arrivera peut-être à exagérer sa manière, bien que certains morceaux, L'homme qui marche, Le torse, La cariatide, Les bourgeois de Calais, enfin l'incomparable buste de son rival en génie, Jules Dalou, puissent se comparer à ce que l'art de tous les temps a produit de plus beau. En 1893, Rodin succédait à Dalou comme président de la section de sculpture de la Société nationale des beaux-arts. En 1903, il était nommé commandeur et en 1911, grand officier de la Légion d'honneur. Marcel Tirel encore a noté la scène suivante. Rodin venait d'être nommé grand officier. Les lettres de félicitations s'amoncelaient en tas. Le sculpteur les contemplait d'un œil ravi, mais il ne les ouvrait pas. Le lendemain, il devait se rendre à une réception à l'Élysée. Il était sur le point de partir. Madame Tirel lui dit « Maître, vous oubliez les décorations. » Et l'on sortit d'un tiroir des plaques, des cordons, des crachats. Prenant en main la plaque de grand officier, « Comment cela se met-il » demanda Rodin. « Je ne sais pas. » Le frotteur, gardien au musée de Versailles, entrait à ce moment, armé de ses brosses, de son bâton de cire, de ses chiffons. « Monsieur sait peut-être ?» questionna Rodin. Le frotteur savait à merveille. Il posa à l'artiste la plaque de grand officier sur le ventre. « C'est comme ça, monsieur Rodin. J'ai vu recevoir des rois à Versailles et les ministres portaient cette machine comme ça. » Rodin considéra dans la glace l'effet produit par la plaque posée sur son ventre et n'en fut pas satisfait. Il prit alors toute sa clincaillerie décorative en un paquet qu'il fourra dans la poche de son pantalon. « Je me ferai placer tout ça par le fonctionnaire chargé du vestiaire à la présidence. » Nul n'a mieux compris l'art antique et son cousin germain, notre art du Moyen-Âge, qu'Auguste Rodin. Nul n'en a mieux parlé. En son livre « Les cathédrales », on lira une page exquise sur une première communion dans la cathédrale de Laon. Rodin a si bien dit « Les cathédrales françaises sont nées de la nature française. » Un des plus grands chagrins de sa vie, sa dernière douleur peut-être, sera dans l'invasion de 1914, la destruction de plusieurs de nos joyaux gothiques par les brutes 420. On sait comment il légua ses collections, comprenant des chefs-d'œuvre antiques estimés à eux seuls plusieurs millions, et tout son atelier estimait lui aussi plusieurs millions à son cher pays de France. C'est aujourd'hui rue de Varennes, à l'hôtel Biron, le musée Rodin. Il mourut en sa propriété de Meudon le 17 novembre 1917, peu après sa fidèle compagne. Marcel Tirel décrit la dépouille mortuaire sur le lit semé de chrysanthèmes. Il était vêtu d'une robe de moine toute blanche, et voici qu'il ressemblait subitement, en son puissant et beau visage blanchi par la mort, à une de ses propres statues. Le spectacle en était si beau qu'il effaçait par sa beauté l'idée même de la mort. Sur le plateau du Val-Fleury, auprès de Rose, la midinette devenue la compagne de toute une vie de labeur et de gloire, le Michel-Ange français dort d'un glorieux sommeil sous la garde du penseur, un de ses plus illustres enfants, dont le regard, et qui semble celui du maître, s'étend sur cette belle vallée de la Seine, où Rodin déclarait, certains jours, avoir trouvé la source féconde de son inspiration. C'était Auguste Rodin, le Michel-Ange français, par Fang Brentano.